Je ne peux que m'enfuir devant tant de peine. Je n'aurais pu subir tout ce flot de haine. Rechercher dans tes yeux cet amour qui fut comme un rêve merveilleux dans le jour déchu. On dit l'amour éternel, je l'avais longtemps cru. Pourtant tes lèvres coulent un fiel, à mes oreilles sont trop brûles. Il me plaît à penser que je rêve éveillé, mais tes mots qui me percent sont bien trop aiguisés. Je partirai sans prière, sans larmes, sans faire de bruit, sans faire de drame. Je dormirai même si j'ai mal, je m'en irai. De nos jeux amoureux, de nos joies, nos peines, il ne reste qu'un feu que j'attise d'un vœu. Sans espoir et si vaines sont mes illusions, qu'un jour tu me reviennes.